Elle porta la main sur son cœur, comme au choc d'un grand coup. Mais tout de suite, elle tira la sonnette. Des Lauriers n'attendit pas qu'on le mît dehors. Quand elle se retourna, il avait disparu. Madame Arnoux suffoquait un peu. Elle s'approcha de la fenêtre pour respirer. De l'autre côté de la rue, sur le trottoir, un emballeur, en manche de chemise, clouait une caisse. Des fiacres passaient. Elle ferma la croisée et vint se rasseoir. Les hautes maisons voisines, interceptant le soleil, un jour froid tombait dans l'appartement. Ses enfants étaient sortis, rien ne bougeait autour d'elle. C'était comme une désertion immense. Il va se marier. Est-ce possible? Et un tremblement nerveux la saisit. Pourquoi cela? Est-ce que je l'aime? Puis tout à coup, mais oui, je l'aime. Je l'aime. Il lui semblait descendre dans quelque chose de profond qui n'en finissait plus. La pendule sonna 3 heures. Elle écouta les vibrations du timbre mourir. Et elle restait, au bord de son fauteuil, les prunelles fixes et souriant toujours.